Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. C'est la chronique des Saguenayens de Chicoutimi. Gala de lutte à Dolbeau-Missassini après une absence de 20 ans. Ça va avoir lieu demain au cinéma Météor. C'est la lutte JCW. C'est une lutte que je connais plus un peu que la lutte qui est venue à Albanel cet été. Et, c'est une ligue qui évolue là, principalement à Jonquière. Des fois, ils se déplacent également à Chipogamo. Quoi qu'il en soit, on va parler du gala de demain avec Julien Lamotte. Bonjour, Julien. Oui, bonjour. Julien, tu es en charge d'abord de la lutte JCW. Pourquoi avoir venu à Dolbeau-Missassini? Y avait-tu une grande demande? Y avait-tu... C'est un promoteur, dans le fond, de la salle qui a vu nos galas dernièrement. OK. Puis, il est intéressé à présenter un gala à Dolbeau, puis dans sa salle, là, la salle de Météor. Ça a commencé comme ça. Là. Il a trouvé le gala intéressant, puis il aimerait ça le présenter là, aux gens de la région. Puis là, c'est demain soir, la vente de billets, comment que ça va après? Parce que la lutte, de plus en plus, je crois qu'il y a une recrudescence de la lutte. Les gens aiment de plus en plus ça. Il y a TVA Sports en présente, RDS en présente également. Donc, un peu tout le monde. Et je pense que depuis quelques années ou depuis quelques mois, on sent la lutte revenir. Donc, j'imagine que ça a eu un impact sur la vente de billets. Ah oui, surtout dans les derniers jours, parce qu'on a une publicité qui s'est faite sur les médias sociaux. Là. Il y a des vidéos puis des combats qui ont été annoncés. Fait que c'est sûr que ça se passe beaucoup. Ça s'envole vite, donc c'est sûr que s'il y en a qui veulent aller chez les billets, là, ils ont toujours la possibilité de le faire là, sur le site du Météor, là, ils passent l'air. Là. Et puis sinon, ils peuvent les procurer là, directement à la porte là, à la Météor. OK. Donc, si on parlait de la lutte JCW, c'est une lutte qu'on connaît beaucoup. On entend plus parler que l'autre qui sont venus à Albanel cet été. Cette année, j'imagine que ça va encore très bien, la lutte JCW. Oui, effectivement. On a toujours grandi. Fait que ça démontre là, si on regarde, ça fait près de 20 ans là, que la JCW existe. Donc c'est sûr qu'on est parti de loin, mais on a toujours grandi là chaque année. Fait que ça continue dans ce sens-là. Et puis c'est sûr que pour répondre à vos questions aussi plus tôt là, par rapport à la recrudescence de la lutte là, avec les chaînes de télé et tout ça, ben c'est sûr que c'est un tout là qui une petite boule de neige qui déboule et puis grossit de plus en plus. Et on a l'accès à la télévision, on a les médias qui ont embarqué, les gros événements qu'on a présentés, là, comme on a eu à Mastoyache, on a eu à Métabetchouane, le gros galet de Saint-Avoine. Ouais. On a aussi nos événements qui ont été présentés sur la chaîne Ma TV. Il y a aussi, il faut pas oublier que des fois que ce qui fait un impact, c'est au niveau de la WWE. On a deux Québécois qui font partie de l'organisation. Il y en a d'autres aussi qui ont rentré dans leur club d'école, mais si on en regarde vraiment sur l'alignement principal, on a deux Québécois. Donc c'est sûr aussi qu'on a un Québécois dans un sport. Le Kevin Owens. Canadien. Ouais, on parle de Kevin Owens puis Sami Zayn. C'est aussi qu'on a quelqu'un de proche de chez nous, ben le sport prend une popularité. Ouais, si on regarde les arts martiaux avec Georges Saint-Pierre. Le tennis actuellement qui est hot avec Félix Auger-Aliassime et ainsi de suite. Là, donc, exactement. Si on regarde le tennis, c'est sûr que le tennis, là, le sport va augmenter en termes de popularité. Même ça peut jouer sur les joueurs ou tout ça. Ceci dit, ça va dépendre si elle continue. Avec le succès, là, bien sûr. Là. Mais c'est ça, c'est tout simplement, là, c'est un tout. C'est sûr, ça a une influence. Donc, le monde veut le suivre. Et puis, le monde le suit, puis après ça, ben, le monde commence à voir qu'il y a de la lutte locale et tout ça. OK. Toi, tu luttes-tu? Est-ce que tu luttes aussi? Oui. T'es en charge. Donc, qu'est-ce qui... Je vais poser la question que j'ai posée aux gens de, qui sont venus à Albanel cet été. Qu'est-ce qui te motive, toi, à lutter? Ben, moi, ce que j'aime par rapport à la lutte, c'est un divertissement sportif. Ouais, okay. Donc, j'aime l'aspect athlétique et l'aspect théâtral qu'il y a de ça. C'est comme un gros show rock, là, tout mélangé dans un. Okay. Que j'aime vraiment l'interaction avec le public et l'aspect athlétique là, qu'il y a dans le sport. OK. Si on parlait un peu de ce qui c'est si on parlait un peu du programme de demain, à quoi les gens de Dolbeau Bissassi doivent s'attendre? Est-ce qu'il va y avoir un produit local? Non? Oui. Ouais? Oui? Oui. Ben, s'il y a des gens là qui sont autour du lac qui va lutter. Okay. Et puis évidemment, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, là. Billy Stone qui va affronter Paul Goliath. Okay. Ça va être un gros combat là à regarder. Là, tous les fois qu'ils sont affrontés, là, c'est un gros combat en vente. Ça sera pas exception ce soir-là. Il y a aussi le Russe Borislav Saltykov. C'est un Russe, ça parle de ça, hein, ouais? Oui, Borislav Saltykov va être présent. Puis il va affronter, dans le fond, ça a été annoncé, dans le fond, hier. Okay. Et puis, il va affronter Scottish UFO. Fait que les deux, lorsqu'ils s'affrontent, là, pour ceux qui aiment ça, voir des bagarres, là, si on regarde le mot bagarre dans le dictionnaire, là, c'est savoir la photo de Boris puis de Scottish UFO, parce que les deux, quand ils rentrent dans le ring, ils se tabassent. Fait que pour ceux qui aiment ça, voir ça, il va être servi, c'est certain. Oui, mais t'as peu, là, le Russe, tu sais, je pensais que c'était du CW, c'est juste Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est que quand t'as un Russe, ça doit être fort, ça doit être bon pour un marketing, ça? Ouais, c'est sûr, c'est des personnages, fait que c'est sûr, ça crée une diversité. Fait que c'est sûr que si on regarde, si tout le monde a les mêmes paires de bobettes, puis les mêmes paires de bottes, puis le même okay. look, ben après un ou deux combos, ça vient. L'intérêt est moins là, fait que. D'avoir des personnages différents, des styles de différents, des looks différents, c'est ça qui fait qu'un gala est intéressant parce qu'il y a du fois un goût pour tout le monde. Là. Okay. Puis ça, il va avoir de la haute voltige, il va avoir des combats, des bagarreurs, il va avoir la lutte technique, il va en avoir pour tous les goûts demain. Mais mettons, le Russe, est-ce qu'il appartient à une fédération? Parce que la lutte du CW, c'est quand même. C'est quand même des pères de famille. Il y en a beaucoup qui font ça pour le fun, puis ainsi de suite. Mais lui, là, est-ce qu'il appartient à quelque chose? Non, lui, non? En fait, là, c'est un lutteur comme n'importe qui. Il a sa famille. Okay. Et puis, comme tout le monde. Fait que c'est un part. Puis dans la chorégraphie qui va avoir lieu, est-ce qu'il joue le méchant? Boris, lui, c'est un gentil. OK, c'est un gentil. Okay. Donc, ouais, c'est un favori de la foule. En tout cas, je suis beau. C'est un gars qui n'est pas aimé. C'est probablement un des lutteurs les plus détestés que j'ai vu dans toute ma carrière. Fait que, il risque de faire fureur à quelques personnes là, à Dolbeau, c'est certain. Ben oui. Donc, les gens qui veulent se procurer les billets, ça commence à quelle heure? Ça coûte combien? L'événement commence à 20h. Okay. Les portes ouvrent à 19h là, pour la salle. Okay. Les billets, c'est 17$. 17$, c'est pas tellement cher, OK? Okay. Non, c'est ça, c'est très abordable. Et puis, c'est disponible à la porte ou vous pourriez aller sur le site ePass Live. Ouais. Pour directement, vous pouvez passer par la page Facebook là, de la salle Le Météor. Okay. Et puis, vous pourrez cliquer sur le lien là, pour aller directement acheter vos billets par Internet. Est-ce que demain, c'est un must-win? Est-ce que si ça va bien, il va y avoir d'autres galas de lutte à Dolbeau Bissassi, parce que ça fait quand même 20 ans, ou encore, ça va être... on va évaluer au jour le jour, gala en gala. C'est sûr que... si c'est un succès, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Là. Ça, okay. Ça, c'est sûr et certain. Fait que c'est sûr qu'on teste l'événement dans la salle. Fait que si c'est un succès, c'est sûr que ça n'empêchera pas qu'on va en faire d'autres, là. Ça, c'est sûr et certain. OK. Fait que on a très hâte d'aller voir les gens de Dodbo puis livrer un show. Un show à toutes les couleurs. Donc, venez-vous-en, on va s'amuser. OK. Ben, Julien.